Merci beaucoup, Jean-François. Bon, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Ce matin, je suis le seul qui n'a pas lu le programme et je suis allé à l'université et la salle était vide. Sauf le concierge qui était là. Et j'ai pensé à dicter ma conférence au concierge et laisser que lui il partage ça avec vous un autre jour. Bon, je suis arrivé ici et je vous félicite à vous qui ont resté avec nous pour participer à la table ronde et la discussion après. On va chercher la cohérence dans ma présentation. Je vais vous parler en français, mais on va utiliser une approche constructiviste. Moi, je vais parler et c'est à vous à chercher le sens de ce que je dis, non? Bon, le thème de l'après-midi, c'est l'innovation dans un espace global, mondial. Moi, je vais partager des réflexions sur le concept d'innovation selon les études que j'ai faites dans les derniers 35 ans. Mais le monde global, pour moi, c'est le fait que j'en ai fait des études au Canada, aux États-Unis, en Afrique, au Pakistan et en Amérique du Sud. Et je pense que les idées que je vais partager avec vous aujourd'hui s'appliquent n'importe où. C'est dans ce sens que c'est l'innovation dans un espace global. Comme Jean-François avait dit, nous, on va finir peut-être plus tôt, ce qui est prévu, et j'ai entendu que la plage, c'est juste à 40 km d'ici, ce qui va rester du temps pour ceux qui veulent aller se baigner aussi cet après-midi. Bon. Qu'est-ce que c'est une innovation en éducation? Jean-François, déjà vous avez donné une perspective sur ça, mais je vais donner une perspective de moi aussi. Et je vais partager quelques histoires. Je ne vais parler d'une façon si formelle que ce matin, mais quelques histoires pour illustrer et faire des points que je voudrais faire. Il y avait peut-être, j'étais encore étudiante, il y a 30 ans, non, j'étais invité chez quelqu'un, une autre étudiante, avec un groupe pour manger le souper chez eux. Et moi, j'étais assis à côté de le mari d'une étudiante. Je me suis présenté à lui et il m'a dit qu'il était un chimiste et qu'il travaillait dans une usine où il faisait du savon pour laver le linge. Mais son job à lui, c'était d'inventer des nouveaux produits. Mais il m'a dit aussi qu'il y avait une vingtaine de chimistes qui faisaient ça à l'usine, et aussi qu'il fallait faire des concours, la compétition entre eux pour avoir des fonds, non? Et moi, quand je suis parti de cette souper, j'étais convaincu et je reste convaincu que quand on voit à la télévision qu'il y a un nouveau savon, que c'est vraiment nouveau, que c'est meilleur ce qu'on avait et que les résultats, malgré les différences d'eau dans les différentes villes ou régions, que les effets d'utiliser ce savon vont être pareil, non, en général partout. Mais ces trois dimensions d'innovation, à mon avis, ça n'applique pas autant en éducation, surtout quand on parle du point de vue de l'enseignante. Qu'est-ce que signifie l'innovation pour l'enseignante? Parce que c'est rare à trouver des enseignants qui inventent des nouvelles pratiques, des nouveaux programmes au niveau du système. Non? C'est sûr qu'il y en a, mais la majorité, non. Ce qu'ils font, c'est d'adapter, de modifier les programmes, des pratiques développées par quelqu'un d'autre. Pour ça, pour moi, Quand on parle d'innovation en pédagogie, du point de vue de l'enseignante, il faut dire que c'est une innovation pour cette enseignante ou ces enseignants. Mais c'est fort possible que la pratique ou le programme l'utilise ailleurs, dans des différentes écoles, dans différentes salles de classe. Mais c'est nouveau pour la personne, même si ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une innovation en éducation. Aussi, quand j'ai commencé avec mon exemple de savon, on ne peut pas dire, on n'a pas de garantie que cette innovation c'est meilleure de ce que l'enseignante faisait avant. Même s'il y a d'évidence d'impact de ces pratiques ou ces programmes dans d'autres écoles, d'autres contextes, on est toujours sujet à la mise en œuvre, l'implémentation dans un contexte spécifique, une salle de classe. Le processus d'implémentation, ça porte toujours à des changements de programme, de pratique. Et on ne peut pas être, et comme les étudiants vont être différents aussi, les communautés sont différentes, peut-être les systèmes d'accompagnement, de soutien différents, on ne peut pas avoir la garantie les faits. Des nouveaux pratiques non plus. Bon, ça c'est une perspective sur l'innovation en éducation. Au point de vue d'enseignants, que c'est nouveau pour eux, mais peut-être pas nouveau en éducation. Que peut-être il y a des évidences qui produisent des bons effets, mais on n'a pas la garantie que ça va donner les mêmes effets dans une école spécifique. Et on ne peut pas attendre que les effets vont être uniformes, parce que ça va avoir des variations de contexte à contexte. Bon. Ma deuxième point, c'est la relation. C'est quoi la relation entre l'innovation et la compétence pédagogique des enseignants. Je vais vous donner deux exemples. Ils sont des exemples sans avoir l'intention de critiquer les enseignants. Ce sont des observations que j'ai faites dans les salles de classe. La première, je l'ai faite dans une école secondaire des filles au Pakistan, une école privée. Cette école avait participé pendant 8 ans dans un programme de formation en cours d'emploi de tous leurs enseignants avec une université avec laquelle moi j'ai collaboré. Il mettait l'emphasis dans des pédagogies progressives dans le contexte où la récitation et la mémorisation, c'est normal, d'avoir une pédagogie plus active avec des objectifs plus complexes au niveau d'apprentissage des élèves. Moi, j'ai observé une classe, une leçon en sciences. Et dans cette leçon, l'enseignante utilisait une stratégie des cartes conceptuelles, concept map. Et si vous savez un peu de la pédagogie, non, le concept map ou la carte conceptuelle, l'idée c'est que les étudiants devraient articuler leur. Ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont appris sur un concept, mais de le montrer d'une manière visuelle, avec le concept central au milieu et des graphiques ou des cercles, et de mettre les autres concepts reliés, relationnés à ce concept. Là, et l'interaction entre les différentes partie de la carte. Mais le thème de 7 jours, c'était la circulation, le cœur et le sang. Et l'enseignante avait déjà mis sur... c'est quoi Blackboard? Sur le tableau. sur le tableau, un cœur au milieu, et elle avait des lignes connectées au cœur, et elle avait mis des cercles alentour du cœur. Elle avait commencé à poser des questions aux filles. Et les filles avaient besoin de donner le nom des différentes parties du système circulaire et d'expliquer les relations entre les différentes parties du système circulaire. Bon, à ce moment, l'enseignante, j'ai observé qu'elle rejetait quelques réponses, elle acceptait autres réponses. C'est un commentaire ou questionner les mauvaises réponses. Quand elle a entendu les bonnes réponses, elle écrivait sur le tableau les mots ou les phrases des filles. J'ai observé que les filles, elles cherchaient dans leur texte, non, pendant l'enseignant posait des questions. Bon, ils ont fini la carte conceptuelle avec tous les titres, les petites phrases pour expliquer les relations. Elle avait demandé à trois enfants de venir au tableau et de lire la carte conceptuelle. Ils l'ont fait trois. Après ça, la leçon était finie. Elle a dit à les filles de copier la carte conceptuelle parce que ça pourrait apparaître dans le prochain examen. Okay. Mais en fait, elle utilisait cette stratégie des cartes conceptuelles comme un outil pour mémoriser les bonnes réponses qu'elle avait sorti du texte. Non? Elle avait changé son pratique, parce que ce n'était pas juste la récitation d'elle, mais c'était un niveau très bas de compétences, non? Avec cette stratégie. Mais elle était très confortable avec ça. Les enfants savaient quoi faire. C'était routinisé là. Et pour moi, c'est le défi ici. Je vais utiliser un autre exemple aussi. C'est la relation entre l'innovation, elle avait changé ses pratiques, mais la compétence, elle le faisait à un niveau très bas de compétences de qualité. Et on ne peut pas attendre d'atteindre les résultats de plus haut au niveau de la complexité de pensée, de compréhension, avec la façon qu'elle utilisait la carte conceptuelle. Le deuxième, c'était... En novembre de l'année passée, j'étais en Uruguay, et où il y a un programme national de mettre des laptops dans pour tous les enfants, tous les enseignants dans tout le pays. Non, c'est incroyable l'investissement d'argent. Bon, j'ai observé une classe de sixième année où l'enseignante faisait une leçon de science. Mais les enfants avaient un programme de robotique, c'est on dit? Oui, oui. Avec des Lego et des programmes connectés à l'ordinateur. Ils travaillaient en groupe de cinq ou six étudiantes. Ce que j'ai observé, j'ai demandé quand je suis arrivé qu'est-ce que c'était le propos de la leçon. Et l'enseignante m'a répondu que c'était la créativité. J'ai regardé, je suis allé voir qu'est-ce que les enfants faisaient, mais dans le groupe, il y avait toujours 12 étudiants qui travaillaient, les autres étudiants qui regardaient, se parlaient, mais ils ne participaient pas. Non? J'avais quelqu'un qui m'accompagnait cette journée-là, c'était un inspecteur de la zone. Et lui, c'était un vrai pédagogue aussi. Il ne pouvait pas rien dire. Non? Il est approché à une groupe. Il avait commencé à leur parler en voix haute, comme de faire une espèce de modelage pour l'enseignante. Il les avait demandé c'était quoi la relation entre ce qu'il faisait avec... la robotique et ce qu'il apprenait en sciences. Et personne ne pouvait répondre. Non? Il avait plusieurs questions ouvertes. Il a fini pour trouver que les élèves commençaient à avoir une relation avec le mouvement, les forces, les leçons de physique dans la science qui étaient là. Et après ça, quand on est parti, l'inspecteur a tourné à moi, il m'a dit qu'il n'y avait pas d'intervention pédagogique. Et c'est encore un exemple des problèmes qui existent partout, je dirais, que c'est facile à introduire des innovations de pédagogie, mais c'est très dur d'accompagner et appuyer les enseignantes à développer leurs compétences. No? Et si on ne développe pas leurs compétences, on ne peut pas avoir les résultats qu'on attend, no, dans l'apprentissage. À mon avis, no, on met trop d'emphasis et des ressources en remplacer ou d'introduire une nouvelle pratique. No? Et on ne met pas l'attention suffisante à accompagner, à appuyer les enseignantes à devenir plus expertes avec les pratiques qu'ils déjà utilisent. Il n'y aura pas autant de besoin de parler d'innovation si la majorité des enseignantes étaient plus expertes dans les pratiques qu'ils connaissent déjà. Ben, ce n'est pas une critique de ces deux enseignants, non, parce que je pense que c'est commun partout. Et une partie de ce problème aussi, c'est que les mêmes enseignants ne sont pas conscients, non, qu'ils n'ont pas l'expertise. Ça. Et ils ont routinisé ce qu'ils font sans avoir conscience de la possibilité de le faire meilleur. No? Et Michael Fullen, mon collègue, il parle d'un concept de la clarité false, no? De ses enseignantes. No? Il faut chercher des moyens pour conscientiser à ses enseignants de la possibilité de faire quelque chose de différent avec ses pratiques et de leur aider en même temps. Bon. Une troisième question que je me pose à propos de l'innovation, c'est quoi la relation entre la gestion par résultat et l'innovation? Parce que la logique de la gestion par résultat, c'est qu'on fixe des buts, des cibles, et on dit que les écoles, les enseignantes ont la liberté et la flexibilité de choisir ou d'inventer comment les atteindre. En principe, c'est un espace ouvert à l'innovation et à la création pédagogique, la créativité pédagogique. Mais en même temps, on cherche des bonnes pratiques. Et des bonnes pratiques dans mon milieu, en Amérique du Nord, du Canada, sont des pratiques qui produisent les résultats attendus pour le système, le ministère de l'Éducation, les preuves provinciales. Non? Et quand on trouve des bonnes pratiques, on met la pression à d'autres écoles et à les enseignants de les adopter et de répliquer ces pratiques. Et en fait, le système commence à fermer la possibilité d'innovation au niveau de la salle de classe, d'innovation dans le sens de créativité. Il concentre les ressources dans la diffusion de certaines pratiques. Il résulte une convergence et une harmonisation des pratiques, ou une standardisation des pratiques. La innovation devient juste dans le sens de diffusion et réplication des pratiques standardisées externes. Bon, ma dernière point, c'est une réponse à la question d'où vient l'évidence d'impact des innovations. Il y a encore, on se parle beaucoup ces jours-ci de evidence-based practice, non, de pratiques basées sur les données prouvées, non, research-based practice. Mais moi, je dirais qu'il ne manque pas des programmes et des pratiques pédagogiques ou même des gestions, non, qui pourraient avoir des bons effets sur l'apprentissage. Mais comment on peut savoir y être sûr de leurs effets? Et qu'on parle de evidence-based practice. Et je me demande, c'est quoi l'évidence, non? Moi, je dirais qu'on n'a pas le temps ni les ressources pour essayer de faire des expériences scientifiques pour prouver l'efficacité des technologies et pratiques en éducation, non? Même si dans des pays comme les États-Unis, ils mettent ça comme le standard, qu'on devrait faire des expériences scientifiques pour avoir des preuves des effets de ces pratiques. C'est impossible en éducation à grande échelle. Non? Et même si on l'a pour quelques programmes ou quelques pratiques, je reviens à mes premiers commentaires, non, on ne peut pas garantir que ça va s'implémenter de même façon, que ça va produire les mêmes effets dans de différents contextes. À mon avis, le grand défi, ce n'est pas de faire des grandes expériences compliquées avec des groupes de contrôle et tout ça, mais c'est de créer la capacité des enseignantes et d'autres agents scolaires de réflexionner, d'étudier et analyser les effets des innovations qu'ils essayent de mettre en pratique dans leurs écoles, dans leur salle de classe et avec leurs étudiants. No? Et ailleurs, de leur donner l'opportunité de choisir ou d'inventer des pratiques qui correspondent à ce qu'ils trouvent ou d'abandonner ces pratiques s'ils ne donnent pas les résultats attendus, selon leur réflexion. Bon. Merci.